Chapitre 8 de Confidence d'un joueur de clarinette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. Chapitre 8. Or, 5 ou 6 jours avant la fête d'Eckerswir, un matin qu'il faisait très chaud, je jouais un air de clarinette dans la grande salle, mon cahier appuyé contre le mur, entre les 2 fenêtres ouvertes. L'oncle Conrad fendait du bois dehors, au bas de l'escalier, et j'entendais Margredel laver des assiettes dans la cuisine. Cela durait depuis environ 1/2 heure lorsque l'oncle entra en manche de chemise et se mit à se promener autour de moi, tout rêveur. Et comme j'allais toujours mon train, tout à coup, m'appuyant la main sur l'épaule, il me dit « C'est un bel air que tu joues là, Casper. Mais laisse un peu ta musique. Causons. Qu'est-ce que les gens disent de moi dans le village ?» Alors, je déposai ma clarinette et m'étant retourné sur ma chaise. « Que voulez-vous qu'on dise, mon oncle ?» lui répondis-je. « Vous savez bien que, depuis votre entorse, je n'ai pas été aux Trois-Roses. »« Bon, » fit-il. « Tout le monde se réjouit de voir que Yriane s'est manqué de me casser la jambe. »« Oh, comment pouvez-vous avoir des idées pareilles ?»« C'est bien. Tu ne veux pas me faire de la peine. »« Mais je me moque de tout le village. » D'abord, sans le noyau qui m'a fait glisser, Yriane s'en aurait vu des durs. Malgré cela, j'ai eu tort de crier contre lui. Quand on joue et qu'on perd, on paye et on se tait. Enfin, ce noyau m'avait mis en colère. Si Yri m'avait renversé par sa force, j'aurais trouvé cela tout naturel. Mais d'être tombé par la faute du noyau, c'est trop fort, surtout quand on risque de se casser la jambe. Sans doute, lui répondis-je. « Ce qui est fait, n'en parlons plus. »« Non, il ne faut plus en parler, Casper. Mais les choses ne peuvent pas en rester là. » Je vis aussitôt qu'il ruminait d'avoir sa revanche. Et le retour de Yri Hans, la joie de Margredel, tout me passa devant les yeux comme un éclair. « Qu'est-ce que cela vous fait, mon oncle, de passer pour l'homme le plus fort du pays ? » m'écriai-je. « Qu'est-ce que cela vous rapporte ? Pas un liard. Au contraire, les gens vous en veulent. Ils voudraient vous voir les os cassés. Ils ne vous plaignent pas quand il vous arrive malheur. Ils disent que c'est bien fait. Ah, ils disent cela, répondit l'oncle Conrad. Voilà justement ce que je voulais savoir. Maintenant, grâce au ciel, ma jambe est remise. Il faut que je revoie le grand canonnier. Comment? Vous, un homme si raisonnable? Raisonnable tant que tu voudras, Casper. Est-ce qu'on est raisonnable parce qu'on garde les coups sans les rendre? Non, tout cela c'est bon pour un joueur de clarinette, mais ça ne me convient pas. Lève-toi, neveu. Viens ici que je te montre quelque chose. Il me prit par un bouton de ma veste et me conduisit au milieu de la salle en disant « Voilà la fête d'Eckerswir qui vient dans 5 jours. Je n'aime pas à me battre dans une salle d'auberge remplie de noyaux, de morceaux de pain, de fromage et autres choses glissantes. Eh bien, on ne peut pas souhaiter de meilleure occasion pour lutter à bras le corps sur la place. Et c'est ce que je ferai. J'ai découvert un moyen de mettre ce canonnier sur le dos. Tiens, Casper, empoigne-moi solidement. Je vais te montrer cela. Y es-tu? Oui. Tu me tiens bien? Oui, mon oncle. Eh bien, regarde. En même temps, il me prit le bras gauche au coude, me passa l'épaule au-dessous, et sans savoir comment cela se faisait, je sentis mes jambes tourner en l'air et je tombai tout à plat de mon haut, croyant avoir les reins cassés. Cela m'étonna tellement que je restai plus d'une demi-minute bouche béante, sans pouvoir rien dire ni reprendre haleine. « Eh bien !» criait l'oncle tout glorieux. « As-tu vu, neveu ?»« Oui, j'ai vu, » lui dis-je en me levant. « C'est très bon. Mais vous auriez pu m'expliquer cela d'une autre manière. »« Tu n'aurais pas aussi bien compris, Casper, » fit-il. « Voilà comment je vais m'y prendre avec Yri Hans. » Seulement, il faudrait la tirer ici, et ce ne sera pas facile. tu retourneras toi-même à Kirchberg l'invité, de ma part, à dîner chez nous le dimanche de la fête. « Oh, pour ça, non !» m'écriai-je, vraiment indigné. « Je ne vous ai jamais contrarié. J'ai toujours fait ce que vous avez voulu, mais amener moi-même Yeri Hans ici, jamais, jamais !»« Allons, allons, calme-toi, Casper. J'enverrai Nickel, » dit l'oncle. Et comme je voulais répondre, il ajouta. « Tout ce que tu pourrais dire ou rien du tout, ce serait la même chose. Il faut que Yeri Hans vienne. Il faut que je le voie les jambes en l'air, comme il m'a vu. » Dans cette extrémité, je compris qu'il ne me restait qu'une ressource pour éloigner le plus grand malheur. « Oncle Conrad, lui dis-je, vous avez tort. Consultons Marc Redel, vous verrez qu'elle pense comme moi. » Et, sans attendre de réponse, « Marc Redel !» m'écriai-je en ouvrant la porte de la cuisine. « Écoute, sais-tu que ton père veut encore se battre avec Yeri Hans, qu'il veut la tirer ici pour l'exterminer ?» Je croyais naturellement qu'elle allait crier en levant les mains au ciel et supplier son père de rester tranquille, car plus elle aimait Yeri et l'oncle Conrad, plus elle devait les empêcher de se battre. Mais allait-on vous fier aux femmes ? Margaret, elle, pour la finesse de l'oreille, n'avait pas sa pareille, et je crois qu'elle était derrière la porte, car, étant entrée, elle écouta son père tranquillement, le tablier sur les bras, sans s'émouvoir. L'oncle Conrad se mit à lui dire que ce serait la plus grande honte s'il ne renversait pas Yeri Hans, qu'on mépriserait les Stavolo, qu'il n'oserait plus se montrer aux Trois Roses, ni nulle part, etc., etc. Pendant ce discours, Margaret Dell regardait à terre comme une innocente, et lorsqu'il eut fini, « Tu as raison, mon père, » dit-elle doucement. « Oui, je ne peux pas dire le contraire. Mais Yeri Hans n'oserait pas venir, car il sait bien que tu as glissé sur un noyau et n'osera jamais s'empoigner avec toi sur la place. C'est sûr, tu verras. »« Eh bien, s'il ne vient pas, » s'écria l'oncle, « la honte retombera sur lui. » Et se tournant de mon côté, « Tu vois, Casper, » dit-il d'un air joyeux, « tu vois que Margaret a plus de bon sens que toi. Elle sait bien ce qui convient. Elle voit que j'ai raison. » « Allons, continue ton air de clarinette. Moi, je vais dire à Nickel de prendre son bâton et de partir tout de suite pour Kirchberg. » Il sortit. L'innocente Margaret Dell rentra dans la cuisine et je restai seul, tellement consterné de ces choses que je pouvais à peine y croire. Durant plusieurs minutes, je me représentais ce Yeri Hans arrivant tout fier, tout glorieux, le poing sur la hanche, souriant à Margaret Dell et me regardant du haut de sa grandeur. J'en étais suffoqué et tout à coup je courus dans la cuisine en criant. « Mais à quoi penses-tu donc, Margaret Dell ? Mais ce gueux de canonnier va estropier ton père. Mais c'est abominable une conduite pareille. Tu vois bien que ton père est le plus faible puisque l'autre l'a bousculé comme une mouche. Et maintenant, tu veux qu'il vienne recommencer ?» Je pleurais presque en disant ces choses. Elle ne s'en émouvait pas du tout et continuait tranquillement à lever le couvercle de ses marmites et à goûter ses sauces. Je voyais, aux couleurs de ses joues et dans ses yeux, qu'elle éprouvait une grande satisfaction, et cela m'indignait de plus en plus. « Bah !» fit-elle enfin. « Tu vois tout en noir, Casper. Le père a glissé sur un noyau. Cette fois, ce sera tout autre chose. »« Glissé sur un noyau ? Il n'y avait pas plus de noyau que dans le creux de ma main. L'oncle a trouvé cela pour s'excuser auprès du monde. Je ne pouvais pas le contredire. » Mais si Yeri Hans arrive, il en trouvera d'autres de noyaux sur la place, dans les rues et partout. Au lieu de toucher Margaret Dell par ses judicieuses observations, je la rendis encore plus obstinée. Elle se mit à essuyer ses assiettes et me répondit d'un air d'indifférence. « On verra. Qu'il y ait des noyaux ou non, je tiens pour mon père. Yeri sera renversé. Je suis sûre qu'il sera renversé s'il ose venir, mais il ne viendra pas. » Et comme dans ce moment, j'entendais l'oncle revenir, il fallut me taire. Je rentrai dans la salle, je pris mon cahier et ma clarinette sur la table, et je montai dans ma chambre comme un fou, sans savoir ce que je faisais. Là-haut, je m'assis sur mon vieux bahut, la tête entre les mains, avec une envie de pleurer et de gémir qui me crevait le cœur. Je commençais à comprendre que nos plans pour l'avenir s'en allaient au diable, et cela, par la faute de cet oncle Conrad, que j'avais toujours considéré comme un être raisonnable et qui me paraissait alors avec son amour de la gloire, le plus insensé des hommes. C'était le commencement de la fin. À midi, pendant le dîner, l'oncle ne fit que raconter les bons tours qu'il avait découverts pour remporter la victoire. Margrodel l'approuvait à chaque parole en penchant la tête et s'extasiant. Elle répétait sans cesse. « Pourvu qu'il vienne, pourvu qu'il n'ait pas peur de venir. Mais il n'osera pas. » Et l'oncle disait d'un ton ferme. « S'il ne vient pas, tout le pays saura que j'ai glissé sur un noyau. » Moi, je pensais. Dieu du ciel, est-il possible d'être aussi simple à l'âge de 53 ans? S'il avait le bonheur de renverser Yeri Hans, il en mourrait de joie. Et cette Margrodel, comme elle mène ce pauvre vieux, en lui faisant croire qu'il est le plus fort. Voilà comme elle m'aurait mené toute ma vie. Oh, que cet esprit de ruse me faisait de la peine. Malgré cela, je trouvais Margrodel belle. J'aurais voulu m'en aller, pour ne pas laisser paraître ma désolation. Je voyais dans ses yeux qu'elle devinait toutes mes pensées, mais que, par finesse, elle faisait semblant de croire que Yeri Hans ne viendrait pas, tandis que la bohémienne, peut-être depuis un mois, lui donnait des nouvelles du canonnier. Je voyais cela, j'en étais presque sûr, et il fallait rester. Ah! Que j'aurais voulu apprendre que le grand Yeri était tombé du haut de sa grange la tête en avant, ou qu'il s'était fait casser les reins par un plus fort que lui, quel n'aurait pas été mon bonheur. Mais aucune de ces choses n'arriva, et maintenant il faut que je raconte la fête. Puisque j'ai commencé, il faut que je finisse. Fin du chapitre 8. Narrateur, Casper, lu par Aldor. Conrad Stavolo, lu par Christian. Margrédel, lu par Ezois.